25 mars 2016, on va faire l'affaire. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! J'ai vu. Ça va bien? Avant tout, il faut bien se demander à chacun. Dans une journée, sincèrement, c'est trop. Ça va bien? Ah oui, ça va bien, toi? Ouais, moi, ça va bien, vous? Ça va? Ah, moi, ça va, et vous? Et moi, oui, oui. Puis à chaque fois que tu rentres à quelque part, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Ah oui, ça va bien. Ah oui, ça va bien. Ah oui, ça va bien. Ah, oui, ça va bien. À un moment donné, dans le quotidien, c'est très redondant. Ça va bien? Ça va bien. Toi, ça va bien? Bon, excellent. J'ai vu avant-hier un film que j'ai visionné à plusieurs reprises, 1963, à tout prendre. Excellent film de mon ami Claude Jutras. Voyons. J'ai ri. Non, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, j'ai entendu et. On continue. C'est ça. Après ça, ben, je me suis adonné à vérifier dans ma vidéothèque parce que j'ai une très belle vidéothèque, s'il vous plaît. Là, est-ce qu'on peut dire une DVD-othèque? Ah d'accord, des films numériques, puis j'ai tout changé, ce qui est en... Oui, madame, en fluide, en fluide glacial, non, c'est pas ça du tout. En métallique, ben voyons donc, vous, insignifiant. En ruban, moi, j'ai plus de ruban, moi. Ah, oh, j'ai plus de ruban, même plus dans les cheveux. Ah non, non, moi, j'ai tout mis ça en numérique. Et le plus connu, à mon avis, c'est mon oncle Antoine, hein, de Claude Dutras. Ben oui. Est-ce que les ondes sont coupées? Ils viennent nous chercher. Les X. Non, c'est impossible, là, pas à cette heure-là. Normalement, c'est à 3-4 heures de la nuit. Là. Ils attendent que la majorité dorment pour pouvoir tranquillement hein, placer leur GPS de Mars à la Terre. Puis, nécessairement, c'est beaucoup plus centré à Limoilou. Il y a des GPS que les extraterrestres ont envoyés. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, quand j'ai revu le film À tout prendre de Claude Dutras, j'ai... Mais voyons, est-ce qu'on va placer un GPS en dessous de la chaise ou dans les écouteurs? Mais ça me semble bizarre, là. Le 25 mars 2016, ça devait bien se... Selon mon astéroïde, là, les étoiles étaient bien filtrées, et puis l'anneau tournait autour de Saturne, l'anus allait très bien, 3 pas par jour, les saisons continuent. Là, je comprends pas ce qui se passe. Là. On va revenir à nos moutons. Hein? Désolé, bergère, j'aime trop les moutons. Bon, et puis c'est ça, quand je me... Lorsqu'on amène une œuvre à son paroxysme, on se dit « Pourquoi? » Le film « Mon oncle Antoine » a beaucoup plus de conséquences que d'autres œuvres de mon ami Claude Dutras. C'est... OK. Arrête de me faire dire « on poursuit ». Mais si on poursuit, mais on poursuit quoi? On poursuit qui? On dirait qu'il y a de l'interférence. Je ne sais pas si l'émission va ressembler à ça pendant 2 heures, là, mais heureusement pour nous, il nous reste que moins que 2 heures. 1h58. Et j'en suis soulagé. C'est bien rare que je vous dise ça, là, mais je me sens comme un peu sonné. On dirait que ça coupe. On dirait que c'est impossible que la censure passe par là. La censure de quoi? J'ai rien dit. Je parle d'un film. À tout prendre, de mon ami Claude Dutras. Hey. Bonne heure d'occasion. Plusieurs réalisateurs ont touché à ce film-là. Il y a eu Gilles Carle. Est-ce que c'est bonne heure d'occasion? Mais en tout cas, quand Claude Dutras... Hey. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qui se passe? On va-tu changer les noms de rue? On va-tu enlever les prix? Le vent souffle fort ce soir. Un vent glacial. Et je pense aux copains à la rue. J'espère que quelques-uns ont une bouteille de rouge. C'est quand on est à la rue qu'on remarque que tout est propriété de quelqu'un et qu'il y a des serrures sur tout. C'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. On prend ce qu'on peut, on essaie de le garder et d'ajouter d'autres biens si possible. C'est comme ça qu'une dictature aussi fonctionne. Seulement, elle a soit asservi, soit détruit ses rebuts. Nous, on se contente d'oublier les nôtres. Dans les deux cas, le vent est fort. et glacial. Charles Bukowski. Avant de faire des émissions, moi, ce qui me plaît, mon ami, c'est de me référer à des belles citations, parce que des fois, ça peut nous titiller. Hein? On peut aller loin. Stéphane Zwing. Imagine sa mère, là. Stéphane, arrête de Zwing. Stéphane Zwing. T'es pas chanceux, Stéphane Zwing. Il dit, j'ai personnellement plus de plaisir à comprendre les hommes qu'à les juger. Pas pire, ça. Ça, c'est extrait de son livre « 24 heures de la vie d'une femme » qui a été porté à l'écran. Comme un peu plusieurs films de Claude Dutra. Toujours la passion qui dévoile à une femme son caractère, c'est toujours dans l'amour et dans la douleur qu'elle atteint sa véritable mesure. Encore de Stéphane Zwing. On peut. Des gens vont m'écrire, c'est pas Zwing, espèce d'instinct, c'est pas Zwing. Ben moi, quand je lis mon ami Stéphane, quand je raboute Z-W-E-I-G, c'est Zwing. Zwing. The summer's wings wing. Petite phrase avant de décoller. Aimeriez-vous ça décoller ce soir? Ça s'en vient. Découragez-vous pas. Mettez pas de ceinture, là, puis regardez pas dans votre rétro. Car les années 50 arriveront très vite. Hein? Rétroviseur, rétro 50. Ah, ça va bien. Les enfants vont bien. La petite dernière a percé ses dents, j'espère, à 46. C'est Simonac. Tant qu'ils ne seront pas prêts, fin pré-print. J'aurai du bain du don du fermé ma grand gueule. Tant qu'ils ne seront pas fin prêts, les despotes qui préparent la guerre n'ont que le mort de plaisir à la maison. Hein, il a raison de dire ça, là. Hein, tant qu'ils ne sont pas fin prêts, les despotes qui préparent la guerre n'ont que la mort de paix à la bouche. C'est pas la mort, c'est le mot. J'aurai du bain du dondu, fermez ma gueule. Tant qu'ils ne sont pas fin prêts, les despotes qui préparent la guerre n'ont que le mot de paix à la bouche. Oui, le paix, je l'ai plutôt dans le trou de paix. Puis j'évite, depuis quelques semaines, m'en va, je vais rester, là, hein, pour l'émission, mais m'en va vous raconter. Ici au Québec, il faut faire attention. Ben, on va baisser un peu, madame, oui, puis on va monter ici. Ben, on monte, on descend, on ajuste. On appelle ça ajuster dans le milieu de la radio. Si tu n'ajustes pas, tu n'auras pas le nivellement vers le haut. Parce qu'on doit, contrairement à TV, c'est vers le bas, radio vers le haut, parce que en haut, c'est les ondes. Vous allez dire, oui, mais la TV aussi, c'est les ondes. Pas du tout. C'est des fibres optiques. Puis les fibres optiques, c'est en dessous. La radio, c'est en haut. On s'intonise, CKRL. On s'intonise. Ça vient de l'espace. On dit, on va avoir des mots qui vont nous apparaître sur notre radio, là. Ben, en fait, qui vont sortir de la bouche de ma radio. Bouche, débouche, ma radio. Débouche, CKRL 80.1, débouche. On veut que ça débouche. On souhaite, là. Ah, moi, écoute, je l'ai ouverte. Ben, je parle de ma radio, je l'ai réparée avant-hier parce que moi, ça fonctionne encore aux ampoules. C'est une bonne vieille radio traditionnelle, là. Tu places ça dans ton salon, ça chauffe ton salon. Ah! Oh, tu te fais griller des orteils. Tu me fais le plaisir de se faire griller les orteils. Un mot qui m'écœure, c'est mes orteils. Orteils. Il y a tail là-dedans. Tail. On dirait que c'est un ongle qui se coince sur une craie. Sur un... Hein, c'est ça? Une craie? Une craie? Pas une craie? Un tableau. Un tableau. Puis c'est pas du riopel. Là. C'est un tableau. Seigneur. Ting! Yves Duteil. Hey, Yves Duteil prépare ses adieux. Au revoir, salut, à la prochaine. Ne reviens plus, mon ami. Prendre un enfant par... Bon. Sinon, moi, ça va bien. Non, mais je sais pas ce qui se passe, madame. Je vous le dis. Posez-moi là la question. Je me sens comme un interrogateur pas... sans pouvoir. Un magicien sans pouvoir, tiens. Un curé sans pouvoir. Mais hey, c'est quand même... Quand on a le saint droit, le saint droit, de dire... Je ne sais pas si c'est au bout de ta formation universitaire, là, lorsque tu deviens curé, on te dit maintenant, vous avez une sainte main. Donc, vous pouvez bénir. Tu n'es pas n'importe qui là, quand tu es un curé et tu dis, je peux bénir. Pas grand monde qui peut bénir, là. Il y a Sœur Angèle, a béni ses mères, mais c'est pas une curée. Jamais le christianisme va laisser un curé féminin glorifier le grand Dieu chrétien. Il faut que ce soit un homme, voyons, un homme, vous avez ma voyeur d'André. Amen. Amen. Je peux maintenant, Madame Thibaudot, j'ai étudié la théologie à l'université théologique de... Ben, j'espère que c'est à Rome des femmes, mais non, c'est pas ce Rome-là. C'est un petit Rome bien doux, bien doux, comme des femmes bien douces. Oh! Épilez-moi la bouche. Pardon, épilez-moi la bouche, j'ai dit. La mouche. Épilez-moi la mouche. Et puis, donc, moi, j'ai ce droit-là, moi, de bénir. Je peux bénir. Et puis, les pères, hein, les pères, pas les pères religieux, là, mais les papas qui ont mis des mamans au... Hein, puis qui ont mis au... Bon, la maman a mis des petits-enfants. Mais le père, à Noël, peut bénir la famille. Pas n'importe quoi, là. Il dit, moi, je vais travailler fort là, pendant ces 364 jours. Shit, mes petits morpions, là. Pas d'études, moi, là. Pas secondaire 1, voyons. J'ai commencé à travailler en troisième année. Je faisais des livraisons en vélo. Livrais des caisses de bière à des alcooliques. Aujourd'hui, c'est moi qui est alcoolique. Le retour des bonnes choses. Et puis, avez-vous entendu mon rire innocent? Et, une autre fois, pour le péché capital. Bon, moi, le péché capital, ça fait longtemps que c'est capital. Mon doux Karl Marx m'a dit, toi, ton péché est plus que capital. Débit, crédit, débit, puis des belles crédits, puis des belles... Même Claude Dutron en a parlé. Et puis là, c'est que moi, le père de famille, qui a mis des morpions, pour ne pas dire des guedilles au monde, je peux maintenant vous bénir, mes tabarnouches d'amis, que je vous aime tant, mes tabarnouches qui venaient de moi, au nom du père, du fisc, j'espère qu'ils ne viendront pas saisir ma femme. Ah, ça ne vaut plus rien. Ah! Je l'ai lancé sur eBay à une scène. C'est même rendu... Je dois 50 000 piastres à eBay parce que ma femme a descendu dans la... Mais bon, mettre du lifting, mais à un moment donné, lifting, c'est... ça descend. C'est comme les escaliers. Une fois que tu les as montés, il faut bien que tu les descendes. Et vous devriez... moi, le médecin, t'es technicien de la fasciologie, non? C'est comment t'appelles ça? Un fasciologue? Un escroc, l'escroc là, qui dit à la patiente, « Oh, vous êtes sublime, mais remontez-vous les seins à 50 degrés vers le sud. Vous allez pointer vers le nord et vous allez attirer... Voilà, vous allez attirer les... Et voilà, vous allez les attirer. Tout ce qui va venir vers vous, là, c'est un peu comme les aimants. Votre amant sera un aimant. Vous allez tout attirer les hommes que vous voulez juste en réfléchissant à votre profil, à votre idéal masculin, madame. C'est compliqué, moi, dans ces seins-là, là, j'implante une boussole à droite puis un GPS à gauche. Qu'est-ce que ça fait? Je sais, là, c'est nouveau. C'est nouveau, ça vient de sortir sur le marché. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai eu le brevet. Ils me l'ont envoyé il y a 2 semaines. Ça m'a coûté 250 000 $ pour breveter ça. J'ai breveté les deux seins. Les seins qui amènent ce que la femme veut. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas toutes les femmes qui détiennent et qui veulent avoir le même idéal. Ça me rassure un peu. Là, ils vont dire un gros barbu qui pue. C'est moi, ça. Le gros barbu qui pue, c'est moi. Fait qu'à un moment donné, les seins vont se croiser. Puis je vais arriver vers elle. Puis je vais dire, c'est moi, comme un ange. Là. Tu sais, les anges, les cloches du Saint-Esprit. Les glorions glorieuses. Les glorieuses heureuses qui scintillent vers le nord. Là. Bon, pour Berthe, ils veulent perdre la boussole. Quand tu la perds, tu veux la récupérer. Fait que là, c'est l'histoire des deux saints. Et je reviens, madame Main. GPS et puis boussole, c'est ça. Mais il ne faut pas mélanger. Il y en a un qui va à droite, l'autre à gauche. Et là, vous pointez où vous voulez. Si vous voulez avoir un homme du sud, c'est le sud, le nord. Mais il y a quand même un genre de petit manuel, tout ça. Mais ça peut se faire avec le tronc. Mais si vous voulez les diriger avec vos mains, il n'y a aucun problème. Mais il y a le manuel. Vous n'avez pas... Exactement. Bon, vous avez le petit livre qui va vous indiquer comment pointer, comment attirer. Puis c'est surtout de la subjectivité. Je suis en train de percer, moi, là. Je perce souvent, moi. La police m'a arrêté avant-hier. Souffle dans la balloune, percer la balloune. La balloune. Parce que c'était sa fête, puis il voulait pas gonfler 250 ballons, puis il savait ça, mon grand chum. Dans la police, j'ai des grands chums. Oh! Des grands, des petits, des moyens, des gros, des mangeurs de... Non, c'est pas ça. Des mangeurs de verre d'eau. Il y en a qui font des concours de verre d'eau dans la police. Pas de glace. Ils boivent ça, pas de glace, là. Puis le but, c'est pas vraiment de boire beaucoup de... Ben, c'est de boire, oui, exactement, le plus d'eau possible, mais sans faire ça, là. Pas facile. Moi, là, je me suis pratiqué. Je suis pas dans la police. Même pas dans le verre d'eau. Mais toi, je suis dans rien. Moi, je suis dans... C'est moi qui a Saint-Droite, Saint-Gauche. GPS, boussole. C'est moi, ça. Ça fait que là, la femme... On va revenir à la femme parce que là, la police qui boit de l'eau, on s'en balance-tu? Uriner, pas uriner. C'est pas notre... notre cheval de bataille. Ben, voilà, madame. On n'a pas de... Non. Ben non, on a l'onde de Sibérie, mais ça, c'est une autre histoire aussi. C'est l'onde qui ne veut pas avancer. Il fait chaud. Puis lui, il voit, il a des hallucinations, ce petit cheval, cette onde-là. Je vais le dire un cheval, mais c'est tellement têtu, cette affaire-là, que je l'ai nommé un onde. Puis même quand je l'ai acheté, ils ne me l'ont même pas certifié, c'est un cheval. Puis c'est un petit cul. Il te regarde un peu vaporeux. Tu dis, viens-t'en, puis viens pas. Puis, ah ouais, avance, il avance pas. Puis il dit, couche-toi, tu couches pas. Fait là, je me suis dit l'inverse. Avance pas, il avance. C'est comme un enfant. J'ai eu 17 enfants, jamais avec. Non, mais en fait, j'ai jamais rien fait pour avoir des enfants. C'est mes blondes qui les ont quand je m'en vais, pas d'enfants. Pas de division de. Ouais, c'est ça. Je divise rien, moi. Ben, je peux diviser mes idées, puis là, pour les. Ouais. Oui, mais c'est exactement Maria Chabdel. Mais dans ce film-là, Claude Dutra... Oh. Et puis, là... Et l'invention des seins ont pas encore fonctionné puisqu'on ne les a pas encore implantés. Alors, si vous êtes intéressé, écrivez-moi à Rénal. Il faudrait, premièrement, que vous soyez une femme ou une fille de 18 ans et plus. Excuse-moi, mon monsieur. Monsieur Chose, là, qui. Monsieur, 18 ans et plus. Et 18 ans et plus. Ah oui, Rénal Québec a commencé le programme. Rénal Québec a commencé le programme. Plus lentement. Rénal Québec en commercial hotmail.com. Là, vous allez arriver, Mme Thibodeau, dans un courriel. Ben, écrivez-moi un petit courriel. Ben, c'est moi, la femme à deux seins. Puis j'aimerais bien avoir une transplantation, ma mère. Puis ma mère, elle veut. J'ai eu 18 ans, mais il y a 3 semaines, j'avais 17 ans. J'en ai parlé à ma mère. Elle dit « OK, pour avoir les GPS et la boussole mammaire, pas de problème. Pas de problème. Quand tu vas l'envoyer le courriel, ça prend combien de temps à se rendre? C'est 3 semaines, 3 semaines et demie? » Elle dit « Voyons donc, mère, c'est pas maman, mère. C'est pas mère. Oh, mère, très chère mère. C'est mère, mais voyons donc, mère. C'est pas un pigeon voyageur, ça, là. Elle a sensé ça. » Elle savait même pas ce que c'était un pigeon voyageur. Elle n'a pas formation, elle n'a pas connaissance. C'est une jeune... Hein? Bon. Sa mère a dit, c'est vrai, c'est pas un pigeon voyageur. Ou t'entends-tu ça? Qu'on livrait des colis, moins de 50 livres, parce que le pigeon... À 50 livres, tu voyais arriver le colis, là, ça levait à 2 pieds. Il pouvait pas aller plus haut. Tout le monde, attention, puis on va y aller. Tabarn, il a envoyé 3 bouteilles de vin. Ça ressemblait à des chauves-souris, ça te frôlait la tête. Hey, heureusement, ça a changé. En 1985, ils ont décidé d'avoir des facteurs à Québec, au Québec. Avant ça, il n'y avait pas de facteurs. Il y avait des pigeons voyageurs. C'est simple. Je commandais sur eBay. Puis... Hey, ça partait de Chine! De Chine! Ça valait pas plus qu'un pied. Là, ça essayait de monter le fleuve Saint-Laurent. Ça frôlait le fleuve Saint-Laurent. Ça rencontrait des bateaux. Tous les bateaux. Ça klaxonnait. C'était quand même rendu un danger public, ces pigeons voyageurs. Pigeons, sort de là, pigeons voyageurs. Fait que... puis... Mon dos, mon micro, faudrait le vider. Pouvez-vous le vider après l'émission? Ouais, vous faites 3-4 petits coups. Mettez un spongy, un essuie. En fait, il faudrait que ça abreuve. Pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de breuvage. Mettez ça dans le verre. On ne veut pas perdre aucune goutte de ce breuvage. Moi, le pigeon voyageur, le dernier pigeon voyageur à Québec, 1984, pendant un grand voilier. Il y en avait du voilier. Il y avait plus de voiliers qu'il y avait du monde pour aller voir les voiliers. Et moi, je jamais dit, mon Dieu, il ne va pas là. Tu vas te perdre, tu vois. Ça risque d'être épouvantable. J'ai mal à la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, bref, j'ai jamais pu me rendre là-bas. Mais en tout cas, j'ai jamais voulu. Moi, là, ça m'influence, les médias, là. J'écoute ça, j'ai peur. Ils nous disent, attention, froid du nord, froid du sud, froid de l'est, froid de l'ouest, froid en Saint-Jésus et Yézolique. Les pigeons voyageurs. L'eau du stra. Bon. Attention. Oh. Oh non! L'âme de M. C.J. vient de sévir. C.J. m'a fait perdre mon magnéto qui fait « chut » et a fait sortir les piles en deux. C'est un message. Comme je sens que je suis en communion avec lui. Là. Si t'es là, là, OK? Si t'es là, fais-moi une... Ouais. Non, mais je parle en mort-vivant. Ça, c'est un thème qui veut dire fais-lui jouer une chanson qui l'étonnera. Ben lui, c'est qui le lui? Lui, c'est moi. Parce qu'il ne faut jamais se nommer. Vous ne savez pas ça, là, mais vous n'êtes pas dans ce milieu-là non plus. Alors, vas-y, fais-moi jouer. Tu dis, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Je vais me pencher pour aller. Non, je ne suis pas dans une prison. Je ne suis pas dans une douche, il n'y a pas de savon. Je vais me pencher, OK? Je reviens dans quelques secondes. J'ose entre vous. Puis, hein? je parlais, puis c'était ma joue, pas ma bouche. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il manque une pile. Oui, je sais, on va passer à la minute. Oui, non, mais j'annonce ce qui va se passer. Écoutez, prenez pas les vapeurs en l'air, vous prenez les vapeurs en bas comme le pigeon. Attendez. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, vous, chers résidents, résidentes et pudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule aujourd'hui, le vendredi? Et heureusement, nous sommes le vendredi 25 mars 2016. Les Errances Rénaldiennes présentent pour vous mon amie, ma belle amie Aline Stinus. Deuxième partie. Maintenant, alors, bande son! speaking of the world. How do you get it? Cause you say it, yeah. Then it says, it's only like you do, cause I have it out of you. Cause you say it, yeah. Then you say it, it's only like you do, cause I have it out of you. So I'll try to take a cab while the world is wearing drag. I was puffing on my back cause my carrot didn't start. Standing banging up your entrance, you almost get a glance. I was waiting more and more. Don't treat me like you do, cause I have it all of you. And I say, yeah. Then I say, don't treat me like you do, cause I have it all of you. And I say, yeah. Then I say, don't treat me like you do, cause I have it all of you. And I say, yeah. Then I say, don't treat me like you do, cause I have it all of you. And I say, don't treat me like you do, cause I have it all of you. That's your last song. En tout cas, non, ça a été une est-ce superbe expérience. Est-ce qu'on a occupé beaucoup de ton rôle dans cette heure et demie? Oh oui, oui, parce que moi, je ne suis pas, je fais pas partie des personnages principaux. Tu as commencé à travailler dans une grosse production? Ah, c'était formidable. Bah, les conditions de travail sont optimum. On est vraiment là, tout le monde est là aux petits soins pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, pour que ça se passe au mieux. Et puis j'avais des partenaires formidables, Ramzi Bedia, Gaspard Proust, Pio Marmaille. J'ai pas eu la chance d'avoir des scènes avec Laetitia Casta, mais je l'ai rencontrée sur le tournage, absolument charmante. Tout le monde, toutes les équipes techniques, les maquilleurs, les coiffeurs, le réalisateur, la production. Est-ce que ça t'a ouvert des portes ? Oui, ça m'a ouvert des portes parce que j'ai pu récupérer quand même des images qui étaient plutôt chouettes parce que c'était des images en costume avec des références justement à ces années-là qui ont quand même marqué où je chantais, je dansais, donc je montrais aussi une palette un petit peu... Différente que... Oui, enfin différente. De ta personnalité. Une palette, voilà, ouais. Assez légère. Et donc, j'ai pu l'utiliser pour ma démo de comédienne et ça m'a permis de rencontrer ma nouvelle agent artistique parce que c'est sur cette démo qu'elle m'a fait intégrer son agence. Voilà. Ah, c'est bien. Pierre Poétesse. On écoute, là. C'est ça, on se tait, on écoute. On se tait, oui. Vous avez déjà entendu? Vous êtes plus belle que le jour. Je dirais belle, belle, si j'étais libre.

Hey, it's okay.

ce n'est rien. Tu laisses bien le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles sont bonnes comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonne, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'elle en m'apportant les duvets qui étaient ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois, tu pris ton bagage. Mille fois, j'ai pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre son berceau, des éclats, des vieilles trompettes. Plus rien ne ressemblait à rien. Toi avais perdu les goûts de l'eau, et moi c'est lui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube au clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. C'est tout tes sortilèges, tout c'est tous mes envoûtements. Tu m'as gardé des pièges en piège, j'étais perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer les temps, il faut bien que les corps exultent. Finalement, il nous fallut bien de talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube au clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Oh mon amour, mon